Au revoir, c'était un plaisir de te rencontrer et de discuter. Rentre bien. Oui, oui, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu vas lui envoyer ? Je vais lui envoyer des voix synthétiques, une compilation de voix synthétiques qui s'appelle From Computer with Love de Rebecca Bonté. Voilà. Wow. Voilà, tout simplement. Et ben voilà. Ben voilà. Merci trop. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Voilà. Vous avez la chance de pouvoir assister à plein de moments de la vie quotidienne. C'est ça, de crécher dans un couloir. Ouais. Ça peut sembler anodin, mais c'est très important. Oui. Et sans plus tarder, parce qu'en fait, le temps tourne quand même à une vitesse considérable. Donc, la définition du jour que nous avons choisie est donc le mot résistance. Il y a évidemment une chier de définition possible à ce mot, dont le commun, la définition commune. De quoi on parle quand on parle de résistance On parle de résistance électrique, de résistance aux maladies. De résistance, mon père était dans la résistance. Oui, voilà. On peut parler. J'ai choisi en tout cas trois versions de la résistance. Alors, il y a la version commune qui est donc tout phénomène physique qui s'oppose à une action ou à une force. Voilà, c'est propre. Oui. Et il y a ensuite la version électrique de la résistance. Alors, l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Et il y a ensuite la version physique et morale de la résistance, qui est donc le refus d'accepter de subir les contraintes, les violences et ou vexations jugées insupportables qui sont exercées par une autorité contre une personne, les libertés individuelles ou collectives, et ainsi l'action qui en découle.